Voici votre bulletin régional pour le 12 décembre. Le 13 décembre à 17h sera offert le souper de Noël pour les membres de la FADOC de Dodgewell au coût de 20$. Réservez vos billets au 819-887-1209. Le souper de Noël de la FADOC de la Patrie sera suivi d'une soirée dansante le 13 décembre. Réservation auprès de Denise Pinard. Organisé par le Chez nous de Dodgewell, un sentier de Noël est offert le 13 décembre de 18 à 20 heures. Départ à la maison de la Chaux. Le club FADOC de Lingwick annonce son souper des fêtes pour le 13 décembre. Le Père Noël sera à la salle Guy Veilleux de Crookshire le 13 décembre de 10 à 14 heures pour la fête de Noël qui y sera donnée. Un Old Time Christmas Party and Dance est prévu au Bulwer Community Center le 13 décembre à 19h30. C'est gratuit. À l'église Trinity United de Crookshire, le 14 décembre, on pourra entendre un concert de musique classique et chants de Noël. Artistes invités, Myriam Jeanne-Denis, Joël Lampron-Dandeneau et Marianne Patnaud. On peut se procurer des billets au coût de 15$ chez IGA Crookshire et à la salle Guy Veilleux. Le Père Noël sera au centre communautaire de Dodgewell le 14 décembre à 13h, où il remettra des présents aux enfants de la municipalité. Le 15 décembre à 19h, à la grande salle de l'hôtel de ville de Scotstown, on présente « Sur les traces du Père Noël », version française du film « Santa Claus ». Entrée libre.